Bonjour. Depuis 3 jours, les plus grands spécialistes, chacun dans son domaine, nous ont présenté les splendeurs de Marly, ses origines, ses particularités, son exemplarité comme modèle repris dans de nombreuses cours d'Europe. Mais le grand public, lui, ignore tout ou presque de ce Marly. Le nom sonne encore aujourd'hui à Marly, comme à l'époque du Roi Soleil, mais au-delà du nom, et en dehors des spécialistes que vous êtes, que connaît-on de Marly, ou plutôt, que reste-t-il de Marly? En réalité, le déclin de Marly a commencé dès 1715, avec la mort du Roi Soleil. Marly était son invention, son plaisir, son repos. Tout y était mis en œuvre pour le plaisir du roi, pour le surprendre, lui faire oublier le fardeau du pouvoir. C'était un laboratoire permanent de nouveautés, d'une année à l'autre, d'une visite du roi à la suivante, comme le confirment les archives et surtout les 4 volumes des 148 vues aquarellées, tracées, bosquets, bassins, jeux, statues, treillages, étaient modifiés, transformés, déplacés. Ce sont les mêmes bosquets à quelques années d'intervalle entre 1705, 1706, 1707. C'était un spectacle permanent de nouveautés et d'innovations. Après la mort du roi, l'engouement pour Marly s'altère, puis disparaît. Dès 1720, Saint-Simon intervient auprès du régent pour faire réaliser des travaux et tenter de sauver cette merveille. Si le domaine reste une résidence royale, son démantèlement commence dès le règne de Louis XV, avec le début du transfert des sculptures aux Tuileries. La conception même de Marly, comme un décor de théâtre, rapide, changeant, mais éphémère, explique une dégradation si rapide. Ce n'est pas une architecture noble, massive, en pierre de taille appareillée, mais des ouvrages en maçonnerie ordinaire, de moellons enduits, où seul le décor, peint en trompe-l'œil, donne une illusion de majesté, de richesse et de monumentalité, avec une architecture feinte, de pilastres et de grand ordre, de riches matériaux simulés par des faux marbres chatoyants. Faute d'un entretien constant, de tels ouvrages partent en décrépitude et à la ruine très rapidement. À la Révolution, pour fondre des canons, les canalisations et réseaux en plomb sont arrachés, ramenant les jardins vers leur état d'origine de bois humide détrempé par les sources naturelles. Démembrés et vendus comme bien national en 1795, les 12 pavillons trop vétustes sont démolis en 1808. En 1810, le domaine rêve pourtant d'une renaissance lorsque Napoléon le rachète, mais dès la chute de l'Empire, le pavillon royal est à son tour démoli en 1816. C'est la fin du château de Marly, créé par Louis XIV un siècle et demi auparavant. En l'absence d'un réseau d'assainissement maîtrisé, sans contrôle de la végétation et des arbres, sans entretien des terrasses et des murs de soutènement, le domaine se transforme lentement en friche où à peine quelques axes restent perceptibles. Alors qu'aux 4 coins de l'Europe et même en Amérique, les modèles à la Marly rayonnent, l'original disparaît. Si aujourd'hui nous nous retrouvons pour un colloque international autour de Marly, c'est peut-être grâce au sursaut de quelques habitants de Marly et de Louveciennes qui, en 1923, devant ce qui paraissait irréversible, ont décidé de sauver le domaine en créant la Société des Amis du Vieux Marly. Les premiers travaux sont engagés, certes, pas avec la rigueur scientifique que nous aurions aujourd'hui, mais l'essentiel était d'agir. Les grands soutènements sont confortés ou recréés, pas tout à fait avec les matériaux et les modèles naturels historiques, mais l'important était de bloquer les terres et de retrouver les grands axes, le fameux double axe créé par Jules Ardoin Mansart en domptant la nature. Les terrassements sont restitués, terrasse du couchant, terrasse du levant. La plateforme du pavillon royal est rétablie à la croisée de la double composition avec un marquage au sol du château. Si la plupart des anciens bassins Voilà quelques matériaux, le grand axe. Si la plupart des anciens bassins, dont les marbres et les faïences ont été arrachés, restent à l'état de marécage, et le grand miroir est remis en eau, et curieusement, mais on l'a vu tout à l'heure, Bruno Benz l'a présenté, un bassin rond avec un grand G est créé de toutes pièces devant le bassin de la rivière. Qui pourrait critiquer aujourd'hui une telle envie d'aller de l'avant ? Enfin, l'abreuvoir, pièce maîtresse de Marly, est progressivement dégagé et remis en eau. Quant à la machine de Marly, qui a fait l'admiration de son époque et la colère de ses riverains pour le bruit insupportable qu'elle provoquait, elle était progressivement démantelée et insérée dans le développement urbain de cette proche banlieue de Paris. Pour le Marly d'aujourd'hui, la situation juridique, administrative et domaniale est complexe. Sur le plan juridique, seuls des éléments ponctuels et limités avaient été classés au titre des monuments historiques dès 1862 avec l'abreuvoir, puis en 1928 avec quelques éléments ponctuels du parc. Le classement en totalité du domaine n'est intervenu qu'en 2009, il y a seulement 3 ans, ce qui doit vous sembler incroyable pour un domaine de cette notoriété. La protection au titre des sites date de 1932. Sur le plan domanial, Marly fait l'objet aujourd'hui encore d'un découpage administratif étonnant. J'espère que vous arrivez à lire. Sur les 98 hectares du parc historique, le ministère de la Culture, donc en jaune sur ce document, gère 53 hectares, la partie des jardins historiques liés à la résidence royale, mais pas en totalité, puisque des axes de la composition en sont exclus. L'Office national des forêts, qui relève du ministère de l'Agriculture, gère 45 hectares, ce qui est en vert sur le document. Elle gère les parties forestières, mais aussi des incursions dans les parties historiques, tels les axes. Donc, je vais prendre ici. Donc, vous avez vu tout à l'heure que toute cette zone ici, qui s'appelle le jardin de Diane, est gérée par l'ONF. On voit sur ce document-là toute cette zone ici, avec le bosquet de Diane, le long de la rivière qui est ici, le pavillon royal étant là, on est orienté vers le nord. Donc toute cette zone-là, vous voyez, dont le tracé n'est pas anodin. Voilà ici la ramasse dont on parlait tout à l'heure qui s'est lancée ici dans cette zone-là. Donc toutes ces parties-là sont gérées par l'ONF. Et on voit ici sur cette image la composition symétrique par rapport à la rivière avec le bosquet de Bacchus, théâtre de Bacchus, et le bosquet de Diane qui est au milieu des friches forestières gérées par l'ONF. D'autres ouvrages, comme le pont tournant qui franchit le Saut de Loup à la limite du parc historique et qui, à l'évidence, ne devrait pas relever des missions de gestion forestière, mais bien du patrimoine. Sur le plan administratif, une autre complexité est venue s'ajouter à cette situation avec l'affectation du domaine à partir de 1879 à la présidence de la République pour les chasses présidentielles dans cette forêt giboyeuse qui avait déjà attiré Louis XIV à Marly. Cette affectation pour cet usage de chasse présidentielle n'avait bien évidemment aucune vocation patrimoniale et les enjeux habituels et légitimes d'entretien, de restauration et de mise en valeur pour l'accueil du public ont donc été négligés depuis plus de 100 ans. Seule la pression des élus et collectivités locales, des amis du vieux Marly, des populations de Marly et de Louveciennes, les seuls véritables usagers du parc, a permis quelques réalisations et avancées pour faire connaître la splendeur du domaine. Avec les premiers travaux de 1934 que nous avons aperçus tout à l'heure, avec la création du musée promenade à l'entrée de la grille royale en 1982, avec un début de restitution de la statuaire de Marly avec des copies dès 1985 avec les célèbres chevaux, non pas de Coissevaux mais de Coustou, la deuxième génération des chevaux de Marly, puis des programmes successifs sur la base d'un schéma directeur de restitution de la statuaire. Donc voilà quelques images qui montrent différents statuaires restitués par moulage sur le site. Ce n'est vraiment qu'un début, et ici un extrait du schéma directeur de réimplantation possible de la statuaire pour notamment motiver des partenaires. Dans ces premières interventions, il y a également la première phase en 2006 de la restauration de l'abreuvoir qui avait atteint un niveau de dégradation extrême. Voilà quelques vues, notamment en bas au début du siècle, qui montrent l'état de l'abreuvoir, certes remis en eau mais totalement délabré. Ici, quelques vues avant les travaux de 2006 pour montrer à quel point les margelles étaient dégradées, entraînant des coulures et des moisissures sur les parements des élévations, qui n'avaient évidemment pas retrouvé dans l'ensemble leur rocaille. Voilà d'autres images du chantier de 2006. Ici, ce sont évidemment les études qui ont permis, en retrouvant aux archives nationales, les coupes sur le bassin supérieur et le bassin inférieur, et surtout ce formidable trait rouge ici, qui est l'étanchéité en mortier de tuileau qui file depuis la terrasse de l'abreuvoir sur le bassin supérieur et le bassin inférieur, que nous avons retrouvé au moment des travaux. Ici dans les reprises de parement qui avaient été déjà repris dans les travaux de 1907, et ici à droite vous avez retrouvé dans les maçonneries un élément du profil d'origine dessiné par l'atelier de Jules Ardoin Mansart. Ici c'est la restitution des meulières pour constituer la rocaille. Les travaux sont en cours ici sur le bassin supérieur, et voilà la fin des travaux au début 2007 sur ce tout premier programme de l'abreuvoir. Mais sans une stratégie patrimoniale globale, ces travaux, même lorsqu'ils étaient relativement importants comme ici à l'abreuvoir, restaient partiels, incomplets et inachevés. À l'abreuvoir, le bassin inférieur est toujours en ruine. Les élévations latérales n'ont pas été consolidées. Le projet hydraulique n'a pas été mis en œuvre pour restituer la lame d'eau. On avait juste fait des essais pour pouvoir traiter le profil et confirmer que le profil dessiné par Jules Ardoin Mansart était absolument parfait. On le voit ici, on a une chute avec la lame d'eau de 3 mètres de hauteur sur 25 mètres linéaires, mais tout ceci aujourd'hui n'est pas visible du public. De même que les bouillonnements du bassin supérieur, qui sont montrés ici sur ce tableau de Martin, n'ont pas été restitués, donc tout ce travail reste encore à faire. Dès son premier mandat, le président Jacques Chirac a supprimé les chasses présidentielles, et c'est donc dans cette logique que l'affectation du domaine de Marly, c'est dans cette logique que le président Sarkozy a abrogé en 2009, après 130 années, l'affectation du domaine de Marly à la présidence de la République. Dès lors, Marly revenait tout naturellement dans le giron de Versailles, avec l'établissement public de Versailles qui nous reçoit ici aujourd'hui. Tout reste donc à faire à Marly. C'est à la fois étonnant qu'en ce début du 21e siècle, avec plus d'un demi-siècle de retard sur Versailles, on soit juste à aborder le sujet du domaine royal, d'un domaine royal aussi important. Mais c'est en même temps une véritable opportunité de n'aborder un tel domaine qu'aujourd'hui, avec encore toutes ses potentialités, notamment archéologiques, comme on vient de le voir dans les deux présentations de ce matin, grâce à une démarche rigoureuse, scientifique, méthodologique et documentaire, sous l'autorité du comité scientifique qui a été mis en place. Pour le végétal, depuis la tempête du 26 décembre 1999, qui a entraîné la perte de près de 1200 arbres de haute tige dans la seule partie historique, 1158 très exactement, aucun programme, ni d'inventaire, ni de replantation n'avait été engagé. En 2012, l'établissement public de Versailles vient d'engager la première opération de sécurisation et d'abattage. Ici, c'est un programme de 700 arbres sur différents secteurs qui a été engagé fin 2011 et qui va être poursuivi. Et l'opération de sécurisation, voilà, des marquages prévisionnels à l'abattage. Là, on est juste au-dessus des terrasses qui dominent le fer à cheval. Donc, on imagine les problèmes de sécurité qu'une telle situation pouvait entraîner. Et de la même façon, on vient d'engager, début de cette année, le programme de sécurisation de l'allée royale. Donc, c'est l'entrée du roi par la grille royale en venant de Versailles. Voilà la grande allée royale avant la tempête de 99. Donc, c'était vraiment un mur végétal de part et d'autre, extrêmement spectaculaire et tout à fait romantique. Ici, c'est tout de suite après la tempête de 99. On voit à quel point, à côté sud, donc à gauche sur cette image, la frange forestière s'est clairsemée et on a donc des très grands sujets tout à fait en limite des murs qui entraînent des problèmes de sécurité et de stabilité des murs. Et voilà le programme qui vient de démarrer il y a quelques mois. Avec le dégagement des têtes de mur et la reprise et la confortation des murs de soutènement. Donc, vous voyez ici, sur la droite, on regarde maintenant depuis la plateforme du château, du pavillon royal, l'importance du travail qui va être fait. Et pour la première fois, on va replanter depuis la tempête de 99 des arbres selon ce plan avec les alignements qui vont être restitués dans un premier temps, en tête du mur de soutènement ici, donc 60 tilleuls qui seront plantés là, et dans un deuxième temps sur le mur opposé côté nord. Pour l'hydraulique, l'étude générale et exhaustive des réseaux hydrauliques de Marly, si essentielle dans la création du site pour son assainissement comme pour l'extrême sophistication de ses jeux d'eau, n'a toujours pas été menée, même si l'EPV a engagé des travaux ponctuels, comme la réalimentation du jet du Grand Miroir, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà quelques photographies aériennes qui montrent le peu d'intervention pour le moment sur les bassins. Voilà les margelles de différents bassins pris au hasard. Voilà le miroir à l'arrière-plan, mais on voit ici les roseaux qui garnissent l'emprise, au moins bien identifiée, des anciens bassins et pièces d'eau. Et ici, quelques travaux qui viennent d'être réalisés fin 2011, notamment pour la réfection de l'exutoire de la terrasse de l'abreuvoir. Donc l'abreuvoir est de l'autre côté de ce mur, à droite, avec le bassin supérieur. Pour l'architecture, la composition d'origine si théâtrale dans ses plans, dans ses articulations, totalement disparue en superstructure, n'a pas même été respectée dans ses emprises lors des aménagements routiers qui ont été aménagés. On va regarder ce secteur ici, avec ce plan de superposition qui montre le plan historique de tout à l'heure et les voiries qui existent aujourd'hui. Et nous avons eu ici, en 2000, un effondrement de la chaussée que Bruno Benz a identifié, puisque en fait on était au-dessus des caves du bâtiment ancien des ministres qui s'était purement et simplement effondré. De même, voilà, on était ici dans ce secteur-là à l'entrée du parking. Il y a eu un effondrement de la chaussée et on était au-dessus d'un bâtiment de l'ancienne composition. De la même façon, lorsque le projet d'extension du musée promenade, le musée promenade est ici à la grille royale, l'allée royale est là et le pavillon royal en bas. Donc dans cette partie que Bruno Benz a montré tout à l'heure avec les fouilles des écuries qui sont comme ceci, il y avait un projet d'extension de 4 à 5 000 mètres carrés pour le musée promenade, mais qui ne s'insérait évidemment pas dans le tracé historique que l'on voit ici, qui sont bien identifiés. Donc là aussi, de la même façon, la prise en compte de ces tracés architecturaux en liaison avec tout le travail des archéologues est un préalable aux travaux et aux aménagements futurs. L'architecture des jardins si essentiel à Marly, en raison du relief naturel structuré par Jules Hardouin-Mansart, avec les margelles et les bassins, les emmarchements et les degrés, les soutènements et les parapets, doit être reconnu et maîtrisé, d'abord pour la conservation du site, puis pour sa mise en valeur. Comme le domaine de Versailles après la première tempête de 1987, Marly, enfin géré dans un seul objectif patrimonial par l'établissement public de Versailles, doit disposer d'urgence d'un schéma directeur d'orientation et de gestion. Cette vision globale, interdisciplinaire, portant sur le végétal, l'hydraulique, l'architecture, la statuaire, sur la conservation, la restauration, la mise en valeur, mais aussi sur l'éclairage, la signalétique, le mobilier, et aussi sur les accès, le stationnement, le confort des visiteurs, des toilettes, des points d'accueil, des accueils des groupes et des scolaires, sur l'accessibilité et la circulation des personnes à handicap, aujourd'hui une exigence légale, sur le développement et le rayonnement futur du musée promenade trop à l'étroit dans ses 1000 m². Cette vision globale sera le préalable à la mise en place raisonnée de programmes pluriannuels de restauration, notamment avec la recherche de partenaires financiers fidélisés par une vision et des objectifs clairs. Ce schéma directeur servira à tous les affectataires, à toutes les administrations pour définir l'avenir de Marly, quelque part entre le rêve de Louis XIV dans sa composition idéale et la réalité d'aujourd'hui, celle d'un parc réduit à un espace vert. Le grand débat sur toutes ses potentialités est ouvert et la véritable difficulté à Marly sera de pérenniser de l'éphémère. Des arbitrages restent encore à confirmer sur le périmètre du schéma directeur entre les différents ministères, mais ne s'agit-il pas du même et unique domaine du Roi Soleil, propriété de l'État français dans sa totalité ? Rien n'est jamais parfait. Mais rien ne serait pire que de ne pas agir tout de suite. Nous aurons donc à nous revoir très bientôt. Merci de votre attention.